devant chaque sœur au nom de Jésus-Christ. Nasalimia kila ndugu na kila dada mu jina la Bwana Yesu Kristo. Nous nous sentons heureux d'être dans la présence du Seigneur. Tunajiona baheri kuwa muwepo wa Bwana. Parce que ici nous avons consolation. Juni pa ifazi ndio tukunapata faraja. Et nous avons réponse à tous nos problèmes. Na ni pa ifazi tukunapata jibu mahitaji yote. Sans tarder, levons-nous pour la prière. Bila ogawia tusimame juu ya usomi wa neno la Mungu. Semana o de tout cœur ce matin, nous te disons grand merci pour la vie et la santé que tu nous as donnée. Pendant la nuit, nous étions endormis comme des bois. Aucun homme ne pouvait veiller sur son frère. Mais ta grâce et ta miséricorde et ta bonté a été manifestée envers nous et tu nous as réveillés. Et ce matin, nous sommes comptés parmi les vivants. Seigneur, nous te disons merci. Maintenant, nous sommes venus ici non pas pour voir un homme, non pas pour entendre un homme. Nous avons tout abandonné pour venir t'écouter. Parce que c'est toi seul qui as les paroles de la vie éternelle. Descends, Seigneur. Parle-nous dans ta miséricorde. Parle-nous dans ta grâce. Instruis-nous sur la voie du salut. Et nous bénirons ton nom. Comme ton serviteur la prier ici. Et selon ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, là où ça semble deux ou trois en ton nom, toi, tu as promis d'être au milieu d'eux. Sois avec nous, Seigneur. Et honore chacun de nous pour le sacrifice qu'il a fait en venant ici. Et réponds à chacun de nous selon son désir. Guéris le malade au milieu de nous. Trouve solution à nos problèmes. Nous avons besoin de ta bénédiction. Dirige nos pas sur ce chemin ensanglanté. Et que ta grâce du calvaire accompagne chacun de nous. Bénis la parole que nous allons lire. Sois l'interprète de celle-ci. Et du début à la fin, sois honoré. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amina. Dans Jérémie au chapitre 2. Jérémie, sura yake mbili. Jérémie au chapitre 2. Jérémie, sura yake mbili. Nous commençons au verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Va écrire aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour. Lorsque tu étais jeune, ninakumbuka mapendo yako wakati ulikuwa mdogo. De ton affliction, de ton affection, lorsque tu étais fiancé. Ya mapendo yako wakati ule ulikuwa mwenye kuchumbiwa. Quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Wakati ulinifuata mujangwa mubulongo wa ukauka. Israël était consacré à l'Éternel. Israël, alikuwa mwenye kujitoa kwa milele. Il était le premier de son revenu. Alikuwa ni malimbuko ya mapato yake. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Bale bote balikuwa na ikula bali hukumiwa. Et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Na ole iliwangukia ifi wa milele anasema. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Nous souhaitons la bienvenue à tous nos visiteurs. Tunatakia kuya kuzuri kwa wakeni yetu bote. Et nous demandons une bénédiction spéciale à votre égard. Na tunamiombea baraka ya upekee kwa upande wenu. Je profite de cette occasion pour demander aux frères qui nous suivent en ligne. Na faidiwa mui bati moya moya juu ya kuomba kwa bantu bale beko na tufuata kusimu. Ils ont fait des remarques lorsque nous parlons à Swahili. Walisema mangalisho wakati ile tuko nasema mki. Ce sont des frères de ceux qui ne sont pas, qui n'appartiennent pas au pays francophone ou swahilophone. Ni bantu kubelewe kumbainchi mule abaseme swahili wala kifransa. Quand je commence à parler en swahili, wakati minaanza kusema mki swahili, ils ne suivent plus. Bo abafuate tena. Nous allons nous efforcer à vous aider à suivre ce qui est dit. Tutajikaza tupate kusema yenye kusemewa. En attendant que tout soit harmonisé pour avoir en permanence un interprète de la langue française. Mukuchunga tupate kuwa na mtafsiri wa kusema paka mukifransa tu. Vendredi, nous avons beaucoup parlé sur l'appel de Jérémie. Mukazi tano tulisema muda mrefu yule ya mwito ya Yeremia. Je n'ai pas lu beaucoup de versets. Mishi kusome ma sura mingi. Et pourtant j'avais 34 écritures à lire. Japo nalikuwa na mamistari makumi tatu na ine ya kusoma. Mais toutes ces écritures ont été résumées dans la prédication. Alakini imaandiko yote nalisema mwa ufupi mu mahubiri. C'est pourquoi j'aimerais faire une petite révision. Je komana napenda kurudiria mwa ufupi. Avant de commencer la pensée d'aujourd'hui. Bele ya mimi kuanza wazo ya leo. En parlant de l'appel de Jérémie. Mukusema yulu ya mwito ya Yeremia. Nous avons dit ceci à l'église. Mukusema ivi kukanisa. Quand Dieu appelle quelqu'un à un service ou à un ministère, wakati Mungu akita mtu juu ya kazi fulani wala yule ya utumishi fulani, Dieu le prend entièrement en charge en toutes choses. Mungu eko anachukua busito wake bote mu mambo yote. Dieu lui donne un message clair à apporter. Mungu eko anampatia ujumbe ya wazi ya yeye kuhubiri. Et il lui montre même à l'endroit où il doit œuvrer. Na eko anamuonesha na pafazi penye ataenda kutumikia. Il lui révèle ça, la mission qu'il lui confie. Eko anamufunulia kazi yenye anampatia. Et il lui donne même une partie de lui-même. Na anampatia tena na kipande yake yeye mwenyewe. Dieu n'abandonne jamais son serviteur à lui-même, non. Mungu achake kamwe mtumishi wake yeye mwenyewe ajiendee hapana. Comme nous voyons beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent dans le monde religieux. En ville tunaona vitu mingi biko nafanyika mulimwengu wa kidini. Il y a des gens qui semblent apporter la parole de Dieu. Huku watu biko naonekana sawa biko nahubiri neno la Mungu. Mais en réalité, ils n'ont pas de message à transmettre au peuple du Seigneur. Kwa ukweli hawana na ujumbe ya kupeleka kwa taifa ya Mungu. Nous avons dit que lorsque Dieu envoie quelqu'un, tulisema ya kwamba wakati Mungu anatuma mtu, ce dernier annoncera rien que la parole de Dieu. Huyu mtu atatangaza paka tu neno la Mungu. Il va proclamer les vérités de la Bible. Atatangaza maukweli ya Biblia. Et il rendra toujours témoignage à la vérité. Na ataendelea kila mara kushuhudia paka ukweli. C'est pourquoi jeudi nous avons insisté en disant. Tukomana mkazine tuweka mkazo na kusema hivi. Pour nous, il n'est pas difficile de connaître que cet homme-ci est envoyé de Dieu ou il n'est pas. Kwetu abina nguvu ya kufungula ya kwamba huyu mtu alitumwa na Mungu wala hapana. La Bible est claire. Biblia iko wazi. Dans Jean au chapitre 3. Mu Yohane sura ya 3. Deux fois c'est nous-mêmes qui nous embrouillons. Mara mingi ni sisi wenyewe tunadivurusha. Parce que nous ne comprenons pas les voies du Seigneur. Wani atujue njia ya Bwana. Dans Jean au chapitre 3. Yohane, dans son verset 34. Yohane sura 3 mstari wa 34. Quand celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Wani ule Mungu anatuma eko nasema ni paka maneno ya Mungu. Un homme envoyé de Dieu ne parle pas de lui-même. Mutu mwenye kutumwa na Mungu asemake byake yeye mwenyewe hapana. Il ne proclame pas ses pensées. Ashitangaze mawazo yake hapana. Il n'enseigne pas les théories humaines. Ashifundishe mawazo ya watu hapana. Toutes les bonnes pensées, comme nous l'avons montré, ne sont pas la parole de Dieu. Mawazo yote mzuri vile tulionesha aina neno la Mungu hapana. La parole de Dieu, c'est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Neno la Mungu ni ile yenye kuandikwa katika maandiko takatifu. Même si quelqu'un parle bien, hata kama mtu anasema mzuri, mais si ce qu'il dit là ne se trouve pas dans les Saintes Écritures, lakini kama ile kunasema ipatikane mu maandiko takatifu, il prêche des mensonges. Maana yake anahubiri vitu vya bongo. Et on ne peut pas le croire. Na tuwezi kamwe kumwamini. Tout homme qui est envoyé par Dieu mutu wote mwenye kutumwa na Mungu proclamera toujours la parole de Dieu qui est conforme aux Saintes Écritures. Ataendelea kila mara kutangaza neno la Mungu yenye kuambatana na maandiko takatifu. Deuxièmement, chapiri, celui qui est envoyé par Dieu, il rendra toujours témoignage à la vérité. Atendelea kila mara kushuhudia ukweli. Il n'y a pas deux ou trois vérités. Akuikaleke ma ukweli mbili wala tatu hapana. Il y a l'unique vérité. Huku ukweli tu moja tu. Et cette vérité là, c'est notre Seigneur Jésus Christ. Na ile ukweli moja tu ile ni Bwana wetu Yesu Kristo. Et Jésus-Christ n'est pas autre chose que la parole. Na Yesu Kristo ana kitu kingine sipoku tu neno la Mungu. C'est vrai. Mbia kweli. Dans Jean au chapitre 5. Yohane sura ya 5. Dans son verset 33, mstari wa 33, l'Écriture dit, andiko nasema hivi. Vous avez envoyé une délégation vers Jean. Mulimutumia wajumbe Yohane. Et il a rendu témoignage à la vérité. Naye alishuhudia ukweli. Jean était un envoyé de l'Éternel. Yohane alikuwa mtume wa milele. Il avait un message de la repentance. Alikuwa na ujumbe wa toba wa Israël. Ya Israeli. Il était envoyé comme précurseur du Messie. Alikuwa mtume sawa mtangulizi wa Masia. Et lorsqu'il est entré en scène, wakati aliingia mukibeta, il a rendu témoignage à la vérité. Alishuhudia ukweli. C'est vrai, bien-aimés frères et sœurs. Ni kweli ndugu na dada mpendwa. C'est ce que chacun de nous doit comprendre. Jo kile kile moja wetu anapashi kuelewa. Et troisièmement. Na kya tatu. Un homme qui est envoyé par Dieu, il a la doctrine de celui qui l'a envoyé. Comme c'est Dieu qui l'a envoyé, il doit parler de la part de Dieu. C'est vrai. Dieu te donne une mission. Mungu anakupatia kazi fulani. Il t'envoie. Anakutuma. Et toi sur le champ de mission. Na wewe mwile njia kazi. Vous parlez des hommes. Unaanza kusema yulu ya watu. Vous rendez témoignage aux hommes. Unaanza kushuhudia watu. Non, il y a quelque chose d'anormal. Hapana, ku kitu kimoja kiendeke. Parce que quand Dieu envoie quelqu'un comme nous l'avons montré, Wani, wakati Mungu akituma Dieu mutu, prend sa propre parole, Mungu anachugua, il la met dans la bouche de son envoyé. Mungu anachugua neno lake mwenyewe, pour qu'il parle de sa part. Ya ula alituma juu apate kusema kwa upande wake. Un homme envoyé de Dieu, mutu mwenye kutumwa na Mungu, ne témoigne pas de son église. Yeye ashisemake juu ya kushuhudia kanisa lake, hapana. Il ne parle pas de lui-même. Ashisemake yulu yake yeye mwenyewe, hapana. Il n'a pas la doctrine de son église. Ana na mafundisho ya msingi ya kanisa yake, hapana. Mais il a la doctrine de celui qui l'a envoyé. Lakini yuko na mafundisho ya msingi ya yule alimtuma. Oui, bien aimé frère. Dio nduku na dada mpenzi. Et c'est très simple. Na ni ya mwepesi de connaître que quelqu'un est envoyé de Dieu ou pas. Ya kujua kwamba huyu mtu alitumwa na Mungu au hapana. C'est pourquoi nous vous avons dit. Ndio kwa maana tulimwambia. Tous ces gens qui parle à la radio, à la télévision, dans les bâches, dans les dénominations. La plupart ne parlent pas de la part du Seigneur. Parce qu'ils n'ont jamais été envoyés par Dieu. Ils n'ont jamais été appelés par Dieu. Ils n'ont aucune mission à l'égard des gens. C'est pourquoi ils parlent selon leur propre chef. Ils parlent de leur dénomination. Ils parlent de la politique. Ils parlent d'une manière tribale. C'est pourquoi il y a de la confusion dans le monde religieux. Mais celui qui est de Dieu, celui qui est envoyé par le Seigneur, il parlera toujours de la parole du Seigneur. Il va rendre témoignage à la vérité et il aura toujours la doctrine conforme à celui qui l'a envoyé. Na atakuwa kila mara na mafundisho ya msingi yenye kuambatana na ya yule alimtuma. Et la Bible continue à évoluer, elle dit. Biblia inaendelea na kusema hivi. Celui qui est de Dieu. Mwenye kwa wa Mungu. Écoute la parole de Dieu. Eko nasikiliza neno la Mungu. Si toi aussi tu as été prédestiné à la vie, kama wewe na ulitangulia kuwekwa juu upate uzima, tu vas écouter ce que Dieu dit. Utasikiliza kile Mungu yuko nasema. Tu n'as pas besoin d'écouter ce que les hommes disent. Wewe hauhitaji usikie kile watu wanasema. Oh, tel a dit. Oh, fulani alisema. Cela n'intéresse pas les élus. Ile haina mahangaiko ya wateule. Vois bien mes frères. Unaona ndugu mpenzi. Même si une déclaration semble être meilleure. Hata kama msemeo inaonekana. Elle est appréciée par tout le monde. Watu wote wanaifurahia. Ce n'est pas conforme à la vérité, kama yambatane à la Bible, yambatane na Biblia, à la parole révélée, yambatane na neno yenye kufunuliwa. On va s'éloigner de cette déclaration. Tunapashi kwenda mbali na ile msemeo. Dans Jean au chapitre 8, Yohane sura 8, dans son verset 47, mstari ya 47, l'écriture dit, andiko inasema hivi, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Mwenye kwa wa Mungu eko nasikiliza maneno ya Mungu. Comme celui qui est envoyé par Dieu dit les paroles de Dieu, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Paka vile mwenye kutumwa na Mungu yuko nasema maneno ya Mungu, na mwenye kusikiliza naye atasikiliza maneno ya Mungu. Et Jésus continue en disant, Yesu Kristo anaendelea na kusema hivi. Vous n'écoutez pas. Mweya musikie. Parce que vous n'êtes pas de Dieu. Kwani mweya muna ba Mungu. Et cela règle le problème. Na ile nakata mambo. Ceux qui sont de Dieu, les brebis du Seigneur, ils reconnaissent la vérité lorsqu'elle est proclamée. Dans Jean au chapitre 18, dans son verset 37, Jésus-Christ disait, Pilate lui dit, Pilate, tu es donc le roi? Jésus répondit, Yesu akajibu, tu l'as dit, je suis roi. Unaisema, niko mfalme. Je suis né niko, et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Nalizaliwa, nalikuja mudunia, juu ya kushuhudia ukweli. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Yeyote mwenye kuwa wa ukweli atasikiliza sauti yangu. Dans Jean au chapitre 10. Mu Yohane sura ya 10. Celui qui est de la vérité. Mwenye kuwa wa ukweli. Écoute ma voix. Eko nasikiliza sauti yangu. Une seule voix. Ni sauti moja tu. La voix du Seigneur Jésus Christ. Ni sauti la Bwana Yesu Kristo. La voix de la vérité. Sauti ya ukweli. Dans Jean chapitre 10 verset 3. Yohane 10, mstari ya 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Pamulango atafuma mfungulia na wakondo wa. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Eko naita kwa jina layo bakondo na benye kwa bake na anawaongoza kwenda nje. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, wakati anatosha bakondo bake boti, il marche devant elle. Eko natembea mbele ya kondo. Et les brebis le suivent. Na kondo anamfuata. Parce qu'elle connaît sa voix. Kwani kondo yake najua sauti yake. Une âme prédestinée à la vie éternelle, un homme qui est prédestiné à la vie éternelle, il connaît la voix de son maître, il connaît la voix de son Seigneur, il connaît la voix de Dieu. Oui, bien-aimé frère, oui, bien-aimé sœur, dans le verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. C'est vrai frère, sa voix c'est sa parole. Un chrétien véritable que Dieu avait connu avant l'éternité, que Dieu a appelé, n'aura jamais de la confusion dans son cœur. Même s'il y a mille voix qui parlent, mais lui ou elle reconnaîtra toujours la voix de Dieu, la parole de Dieu et la vérité biblique. Il ne sera jamais dans la confusion. C'est vrai. Il connaît son Dieu. Il connaît son Seigneur. Il connaît son Sauveur. Et même les brebis du Seigneur reconnaissent ce que le Seigneur a envoyé leur salut. L'a envoyé pour le salut. Les véritables brebis du Seigneur reconnaissent toujours les envoyés de Dieu. Elles ne suivront jamais des séducteurs. Aujourd'hui, c'est terrible. Nous voyons beaucoup de foules, de grandes foules qui acclament et qui sont derrière les faux prédicateurs, des faux prophètes, des gens qui prêchent des mensonges et qui prophétisent les pensées de leur cœur. Ils n'ont pas la parole de Dieu dans leur bouche. Ils n'ont pas le message de Dieu dans leur bouche. Ils parlent de leur même. Ils parlent d'eux-mêmes. Ils parlent de leur dénomination. Ils parlent de la politique. Ils parlent de l'argent. Et les foules sont derrière. C'est une race maudite. Regardez dans les télévisions. Et les séducteurs ont beaucoup de foules. Les gens apprécient quelqu'un qui leur dit des mensonges. Et qui prophétise des mensonges. Et les gens aiment cela. Des gens qui ont des faux miracles. Qui ont des pratiques non bibliques. Ils font boire les gens de l'eau. Ils distribuent des pommes. Il lance des mouchoirs sur les gens et des vestes. Vous voyez. Et les gens aiment ce théâtre. Quand on leur parle de la véritable parole, ils ne veulent pas écouter. C'est un signe évident. Ah, qui ne sont pas de Dieu. C'est vrai, frère. Dans chaque élu, il y a une portion de Dieu, Mungu sehemu ya Mungu, qui reconnaîtra toujours il tendelea kutambua la parole de Dieu, neno la Mungu, et qui reconnaîtra toujours na itendelea kutambua les hommes de Dieu, batu ya Mungu, qu'il a envoyé pour les bénédictions. Bale Mungu alibatumia juu ya wokovu. C'est vrai, frère. Ya kweli ndugu. Dans 1 Jean, Yohane au chapitre 4. Yohane wa kwanza sura ya 4. Dans 1 Jean au chapitre 4. Yohane wa kwanza sura ya 4. Dans son verset 5 à 6. Mustari ya 5 na ya 6. Eux, ils sont du monde. Bo, beko wa mudunia. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Jo kwa maana beko nasema kufuatana na dunia inawasikia. Nous nous sommes de Dieu. Sisi tuko wa Mungu. C'est lui qui connaît Dieu nous écoute. Una anamjua Mungu naye anatusikiliza. Qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Jo pale tuku natambua roho ya kweli na roho ya kosa. Jean était clair. Yohane alikuwa wazi. Et très simple. Na alikuwa mwepesi. Anasema d'une manière très simple. Na una moyo ya mwepesi. Ya wazi kabisa. Ouais, bien, mes frères. Unaona bantu kubapeni. Comme dans le naturel. Sawa mwatini. Il n'y a aucun enfant. Akuikalake mtoto hata moja. Qui peut ignorer la voix de son père. Ula anawezi kusabu sauti ya baba yake. Ça n'existe pas. E kalake ko. Même s'il y a 10 personnes qui parlent, un enfant reconnaîtra toujours la voix de son père. Mais pourquoi vous ne reconnaissez pas la voix de Dieu? Pourquoi vous êtes derrière les faux miracles? Des faux prédicateurs. Des faux enseignements. Vous croyez des choses qui ne sont pas dans la Bible. Quand quelqu'un croit des choses qui ne sont pas consignées dans la Bible, qu'il soit sûr qu'il ne verra pas le Seigneur. Il n'y a aucun salut pour quiconque croit des choses en dehors de l'Écriture. La foi d'un véritable fils et fille de Dieu est fondée entièrement sur les Écritures, pas sur les théologies. Que vous ayez étudié aux États-Unis, en France, en Afrique du Sud, France, voilà, Afrique, cela n'a pas d'importance pour un élu. Il un élu a besoin d'entendre la véritable parole de Dieu. Parce que dans la véritable parole de Dieu, il y a le salut et la délivrance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Beaucoup de gens ne sont pas affranchis du péché, parce qu'ils croient au mensonge. Ils sont pleins dans les églises. Quelqu'un est membre dans une église, 10 ans, 3 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il est toujours prostitué, menteur, voleur, coureur de jupons. Il a toujours de la haine dans son cœur. Il mange comme un petit démon, mais il se dit être chrétien parce qu'il appartient à une église. Non, frère, la parole de vérité est annoncée pour que les âmes soient délivrées. Délivrées de toutes les chaînes de l'ennemi. Délivrées de tous les ténèbres. Délivrées du péché. Vous voyez, frère. Il était fumeur quand il n'était pas dans l'église. Étant baptisé dans l'église, il continue à fumer. Il était ivrogne pendant qu'il était dans le monde. Et dans l'église du monde, il continue encore à boire. Il était féticheur avant qu'il ne soit dans l'église. En étant dans l'église, il est peut-être pasteur, diacre, choriste, membre influent dans l'église. Il continue à fréquenter les devins. Ça c'est quel Dieu ça? Ule ni Mungu wa je ule. Non, frère. Apana nduku. Non, ma sœur. Hapana dada yangu. Cela est faux. Ni bia bongo. Celui qui est de Dieu. Mwenye kwa wa Mungu. Il connaît Dieu. Anamjua Mungu. Il connaît sa parole. Anajua neno lake. Il reconnaît aussi ses serviteurs. Na anajua tena watumishi wa Mungu. Oui, bien-aimé frère. Dio nduku na dada mpendwa. Oui, bien-aimé sœur. Dio dada mpendwa. Nous avons évolué. Tuliendelea. Pour montrer à l'église. Ya konesha kanisa. Que celui qui est appelé de Dieu. Ya kwamba mwenye kuitwa na Mungu. Ne se préoccupe pas. Ashangaikie. De l'opposition. Ya upinzani hapana. Non. Hapana. Il ne s'occupe pas des injures. Matukano wana matusi. Non, frère. Apana nduku mpeni. Non, ma sœur. Apana dada mpendwa. Il se préoccupe pas yeye ashangaikiake de la haine. Chuki. Qui méprise. Mkazarao. Qu'il reçoit des gens. Il anapokea kutokea watu. Non. Apana. Il est constitué de manière. Alitumba munamna. À supporter. Ya yeye kufumilia. Il est constitué de manière à affronter Satan. Shetani. Il ne peut pas craindre les menaces. Il ne peut pas craindre l'opposition. Il ne peut pas craindre la haine des gens. Les calomnies. Les mépris et les juges. Non, bien-aimé frère. Non, bien-aimé sœur. C'est pourquoi je disais vendredi, je dis. Je commence à analyser ma musique à iné. Moi, je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire. Mais il faut que je sois malade. Si vous êtes coubiamini, parlez malade. Pourquoi? Que toute cette église ici. Dieu a coubiamini à comme canisse musique maï. Même. Yo, t'es nani penda. Si je commence à croire ça. Ni kianza kuitikia vile. Comprenez seulement que je suis tombé malade. Mwelewe ya kwamba mina gonjwa. J'ai de la malaria. Ya malaria sa zingine. Tout le monde ici ne peut pas m'aimer. Bantu bote umwa bawezi kunipenda. Il y a ceux qui m'aiment. Huku bale wananipenda. Il y a ceux qui m'aiment pas. Na kuku na bale wanipende. Parce que toute cette église ici. Juu kanisa yote mzima hivi. N'est pas formé de véritables croyants. Aina yote na waamini wa kweli. Il y a de véritables croyants. Huku baamini fu babia kweli. Et il y a des démons dans cette église. Na muku tena na mademona mu ikanisa. Comment puis-je croire? Sasa ntaamina jini. Que tout le monde peut m'aimer. Ya kwamba bote banawezi kunipenda. Ce serait une folie de ma part. Itakuwa ni bazimu kwangu. Je sais. Mimi najua. Que tout le monde ici. Ya kwamba bantu bote hapa. Ne peut pas m'aimer. Abawezi je aussi tena, que ici il y a des gens qui m'aiment. Je vous voyez Munao. Même vous mwezi, vous avez toujours des gens qui vous aiment et des gens qui vous haïssent. C'est ça la loi de la nature. Jésus est venu. Yesu alikuja. Il était le Dieu tout puissant. Dieu manifesté en chair. L'agneau de Dieu mwana kondo wa Mungu. Qui était prédestiné à ôter les péchés du monde. Il était aimé de tous. Et tu vas tout voter par une penda. Non. Vous voyez bien mes frères. Muna, il était aimé seulement par les siens. Bari mupenda paka kukubake. Les prédestinés. Benye kutanguliwa kuweka. Et regardez comment il disait. Mwone namna kani alikuwa nasema. Il m'aï. Bali nichukia. Sans cause. Bila sababu. Vous voyez bien mes frères. Munaona ntukumpe. Il est venu. Alikuja. Il n'a fait que du bien. Alifanya paka vitu vizuri. Il les a guéri. Alibaponya. Il les a bénis. Alibabariki. Vous voyez. Munaona. Il les a nourris. Alibalisha. Il les a consolés. Alibafariki. Il a ressuscité. L'air mort. Il a chassé des démons en eux. Il a prêché une bonne parole de consolation. La bonne nouvelle du royaume. Il n'a jamais pris la femme d'autrui. Il n'a jamais violé une fille d'autrui. Il n'a jamais volé l'argent de quelqu'un. Il n'a fait que du bien. Mais lui, le Seigneur, lui, le Sauveur, lui, le Dieu Tout-Puissant, mais le sien l'ont haï. Bali muchukia bila sababu. C'est vrai frère. Ni bia kweli ndu. On l'a injurié. Bali mutukana. On l'a méprisé. Bali mubeula. On l'a traité avec dédain. Bali muzara, bali mubeula. Il était le Dieu Tout-Puissant. Japa alikuwa Mungu mwenye uwezo wote. C'est pourquoi? Choka mana. Quand un homme est envoyé par le Seigneur, wakati mtu anatumwa na Bwana, il est armé de cette pensée-là. Anesha kubeba ile wazo. Pour s'acquitter de son devoir correctement. Il ne peut pas prêter attention à tout ce que les gens disent à son sujet. Non, bien-aimé frère. Non, bien-aimé frère. Il y a des gens qui racontent des calomnies. C'est les hommes de Dieu. Non, frère. C'est comme ça que les choses doivent être. Ni muina muna bitu binapasi kuwa. Parce que c'est la terre. Jupnipadunia. Là où Satan règne. Je parle Shetani anatawala. Des fois, quand nous nous plaignons, nous disons, bien, il m'a haï sans cause. Tu n'es pas le premier à être haï sans cause. Auna wakwanza bakuchukia bila sababu. Oui, bien mes frères, tu n'es pas le premier à être haï sans cause. Auna wakwanza ule banachukia bila sababu. Le maître a été haï sans cause. Mwana wetu balimuchukia bila sababu. Comme je le disais, mpaka vile nalikuwa naisema, en tant qu'un homme de Dieu, kawa mtumishi wa Mungu, on ne doit pas prêter attention hawezi kuteka sikio à tout ce que les gens racontent à votre sujet. Kwa ile yote bantu banasema yulu yako. Ecclésiaste chapitre 7. Mubiri sura yake. Ecclésiaste au chapitre 7. Mubiri sura yake saba. Dans son verset 21, ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, usiteke kumbisikio kwa misemo yote ile walisema, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Ju usikwe kusikia mtumishi wako kukulaani. Ne fais pas attention à toutes les paroles qu'on dit. Un homme de Dieu prête oreille à ce que Dieu dit. C'est vrai. Pas tout ce que les gens racontent. Non, bien-aimés frères. Non, bien-aimés sœurs. Dans Luc au chapitre 23, Jésus était saint. Yesu alikuwa mtakatifu. Mais ils l'ont haï. Luc 23, verset 31. Verset 31. Car wani, si l'on fait ces choses au bois vert, kama banafuasia hivi vintu kwa muti mbiti, muti mubichi, muti mubiti, qu'arrivera-t-il au bois sec? Bitafika sasa bitakuwa aje kumuti au kauka. Si ils ont maltraité le Seigneur de gloire, wana wa utukufu, lui, le bois vert, yeye muti mbichi, qu'en sera-t-il de nous? Sasa bitakuwa aje kwetu sisi. Le bois sec, miti au kauka. Vous voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Voyez bien mes sœurs. Unaona dada mpendwa. Dans Jean au chapitre 15. Mu Yohane sura ya 15. Dans son verset 25. Mstari wa 25. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi, ili ipate kutimilika hii neno yenye kuandikwa kwa sheria yabo. Il m'ont haï sans cause. Bali nichukia bila sababu. Oui bien-aimé frère. Dio ndugu mpendwa. Oui bien-aimé sœur. Dio dada mpendwa. Et tout véritable serviteur de Dieu, mtumishi wa Mungu wote wa kweli, il est armé de manière à affronter, namna ya kombanisha, l'opposition de l'ennemi. Upinzani yote ya adui. Dans le message, l'homme appelé de Dieu, à la page 6, paragraphe 30 à 31, le prophète confirme dit, regardez, les hommes appelés de Dieu sont des hommes qui n'ont pas peur de braver les flammes de l'ennemi. Des hommes qui sont entrés dans la présence de Dieu, qui connaissent sa puissance, qui connaissent son omnipotence, et qui connaissent sa puissance de guérison, des hommes qui ont été formés pour connaître le Dieu vivant, ils n'ont pas peur affronter les flammes de l'ennemi. Ya kukombanisha moto ya adui. C'est pourquoi, avant que nous puissions avoir ce réveil, Dieu doit appeler des gens, des hommes, et les former, des hommes formés par Dieu pour porter ce message. Ils ne se préoccupent pas de l'opposition. Ils sont disposés à aller à la fournaise ardente. C'est vrai. Dans la défaite. Ou à la fosse au lion. Ou n'importe où. Ils sont prêts à affronter tout cela. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. C'est comme ça que Dieu fait. Il arme ses siens. anawapatia masila bake. C'est vrai, frère. Vya kweli nduku. Et quand un homme de Dieu est envoyé, wakati mtu wa Mungu anatumwa, il a une mission, niko na kazi, c'est d'affronter Satan. Yani ya kwenda kumkombanisha shetani. Il a une mission, niko na kazi, de détruire Satan, ya kumuvunja shetani, d'abattre les œuvres de Satan, ya kufunja makazi ya shetani, d'arracher, ya kutukunya, les œuvres de Satan, kazi ya shetani, dans le cœur des gens, mumioyo ya watu. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. Il a une mission spéciale. Eko na kazi ya upeke. Il doit arracher. Anapashi kutukunya. Il doit détruire. Anapashi kuharibu. Tout ce qui est faux. Le yote dans la foi des gens. Muimani ya watu. Dans les habitudes des gens. Ma zoazo ya watu. Dans les manières des gens. Namna ya kutenda ya watu. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. Tout ce qui est faux. Yote bien nyakati ya Bongo. Est contraire à la parole de Dieu. Abienyo kwa kipindi cha neno la Mungu. Qui se retrouve parmi le peuple. Yenyo patikana kati ya watu. Celui qui est envoyé par le Seigneur. Mwenye kutumwa na Mungu. Il a une mission spéciale. De s'opposer à Satan et de faire disparaître tout cela. C'est là où la guerre commence. Parce qu'on ne peut pas semer la vérité dans les mensonges. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Dans Jérémie au chapitre 1, verset 10. Voyez, j'étais consacré et j'étais ordonné d'aller arracher, abattre, détruire. Et bien le faire. Un véritable homme de Dieu ne peut pas voir le péché et bénir le péché. Non, et non, et non, et non, et non, non. Non, frère. Peut pas le faire. Un homme envoyé de Dieu, il trouve le peuple dans le péché, il trouve le peuple entièrement entre les mains du diable, il commence à fraterniser avec eux, il commence à fraterniser avec le péché. C'est un mensonge. Comme nous le voyons aujourd'hui, nos soi-disant prédicateurs, ils encouragent les gens dans la mondanité. Ça c'est quel Dieu ça? Ça n'a jamais été le véritable Dieu. C'est vrai, frère. Les gens veulent être sauvés tout en demeurant esclaves de Satan. C'est pratiquement impossible. Quelqu'un dit, je suis sauvé. Néanmoins, il est adultère. Je suis sauvé. Mais quand on a voilà. Vraiment, c'est une prostituée. Vraiment, qui vient de l'enfer. Une femme peut s'habiller en mini-jupe, en robe collante, transparente, elle est maquillée comme un devin, mais néanmoins, elle se croit très sauvée. Quelle séduction. Et même les faux prophètes disent, et les faux pasteurs, les faux prédicateurs disent, faites en ordre. Les femmes portent les pantalons, ils portent les culottes, elles portent des cinglets, et les faux prédicateurs disent, c'est en ordre. C'est faux. Le problème, c'est seulement Dieu voit seulement les cœurs. Oh, quel mensonge. Dieu voit les cœurs, mais nous voyons les œuvres. Mungu yen, muro, sisi, mais ce qu'il y a dans les cœurs, c'est ce qui se révèle dans vos actes. Vous révélez vos actions, vos paroles, révèlent ce qui se trouve en vous. Bitendo biyako, misemo yako, njoo kunafunua bile bikundani yako. C'est vrai, frère. Biakweli nduku. C'est vrai, ma soeur. Il est là pour affronter les fausses doctrines, les coutumes des gens, la civilisation. Kizungu. Nous avons une seule civilisation. C'est la civilisation chrétienne. Kizungu kya Kikristo. une civilisation mondaine. Kizungu kia kidunia hapana. Non bien aimé frère. Hapana ndugu mpenzi. C'est pourquoi Joko mana, il doit affronter les feux. Anapaswa kukumbanisha moto. C'est vrai frère. Ndio kweli ndugu. Et Dieu a promis. Mungu alilaka à tout véritable serviteur. Watumishi ya Mungu wote. De l'accompagner partout où il enverra. Ya kwamba atawasindikia. Voilà l'assurance. Voilà l'assurance. Jo hakikisho. Un véritable serviteur de Dieu. Yenye kwa na mtumishi wa Mungu wa kweli. Un homme envoyé de Dieu n'est pas seul. Mutu mwenye kutumwa na Mungu ana peke yake. Il est avec Dieu. Yeye yuko pamoja na Mungu. C'est pourquoi quand vous vous opposez à un homme envoyé. Soko maana ukikombanisha mtu mwenye kutumwa na Mungu. Vous vous opposez à Dieu. Manake unamkombanisha Mungu. Et qu'est-ce qui viendra après? Sasa ni nini litafuata? Vous verrez qu'après votre opposition. Utaona kwamba kisha upinzani yako. Même des années plus tard. Hata miaka kisha. Votre vie sera malheureuse. Maisha yako itakuwa ya ole, ya lana. On ne se moque pas de Dieu. Ah, bah, Dieu marche lentement. Mungu anatembeaka pole pole. Mais le malheur finira par t'atteindre. Alakini ole taishia paka mkukupata. C'est vrai. Mbia kweli. C'est pour quand Dieu parle. Choko maana wakati Mungu anasema. Inapashi kuteka masikio. Quand les hommes de Dieu parlent. Wakati watumishi ya Mungu wanasema usikie. Je les envoie. Mungu anabatuma. Pour votre bien. Juu ya bizuri biako. Je les envoie. Mungu anabatuma. Pour votre bénédiction. Juu ya baraka yako. Je les envoie. Mungu anabatuma. Pour votre salut. Juu ya wokovu yako. Écoutez. Sikia. Parce que derrière leurs paroles. Mkongo amesema yapo. Ces paroles conformes à l'écriture. Il y a le Dieu tout puissant. Huko Mungu wa uwezo. Qui est capable de créer une nouvelle vie en vous. Ya kuumba bujima bupya ndani yako. C'est pourquoi quand quelqu'un croit à Dieu, il deviendra une nouvelle création en Christ. Atakuwa kiumbe kipya ndani ya Kristo. Il ne restera jamais le même. Hawezi kama kubakia yule yule. C'est vrai. Ndio kweli. C'est ce que nous avons dit. Ndio ile tulisema. Et nous voulons écouter, nous voulons un peu avancer. Na tunapenda kusonga mbele. Regardez l'écriture que nous avons lue dans Jérémie. Tazameni andiko ile tunatoka mukusoma ya Yeremia. Jérémie au chapitre 2. Jérémia. Est-ce que l'église est avec moi? Sura kimbili. Jérémie chapitre 2. Jérémia sura mbili. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Neno ya wamilele ikanielekea muhimu semo. Va. Wende. Écris aux oreilles de Jérusalem. Ainsi par l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Mina kumbuka mapendo yako wakati ulikuwa kijana. De ton affection lorsque tu étais fiancé. Nakumbuka mapendo yako wakati ulichumbiwa. Quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Wakati ulikuwa unanifuata mjangwa mbulongo au kauka. Je se souviens. Mungu anakumbuka. De l'amour d'Israël. Mapendo ya Israeli. À son égard. Mbele yayo. Je se souviens. Mungu anakumbuka. De son temps de paix. Wakati ya salama yake. Et de son temps de bonheur. Na wakati ya heri yake ya raha yake. Quand Israël marchait dans toute l'obéissance et dans la crainte de Dieu, il suivait les voies de l'Éternel. Israël était totalement consacré à l'Éternel et Dieu était son défenseur. Dieu était son protecteur. Quand Dieu et c'est avec Israël. Alikuwa pamoja na Israël. Dans son temps de paix. Wakati ya salama yake. Dans son temps d'obéissance. Wakati ya utifu wake. Quand il marchait. Wakati ya dans la fidélité. Dans la droiture. Katika unyofu. Frère. Dans la crainte de Dieu. Katika mboka wa Mungu. Dieu le défendait. Mungu alikuwa na bakombania. Quiconque osait toucher Israël. Yeyote alipima kugusa Israeli. Ah, il avait affaire avec Dieu. Ah, manake alikuwa anapatana na Mungu. Je n'ai pas le temps de vous dire tout ces choses. Sina na wakati ya kumwambia hivi vitu vyote. Voyez bien mes frères. Unaona bapendo bantu. Quand vous lisez l'histoire. Wakati mkisoma hadithi. Lorsque vous lisez l'histoire d'Israël. Wakati mkisoma hadithi ya Israeli. Ce n'est pas l'armée israélite qui protégeait Israël. Aina jeshi ya Israeli ilikuwa inalinda Israeli hapana. Regardez, quand Israël était obéissant, quand Israël marchait dans la crainte de Dieu, il se soumettait à la parole de Dieu en toutes choses, rien de mal n'arrivait à Israël. C'est Dieu qui était son défenseur. C'est Dieu qui était son protecteur. C'est Dieu qui était sa bénédiction. Il lui donnait la pluie à son temps. Toute nation, qui venait contre Israël était anéanti. Tout peuple qui venait vers Israël s'est croulé. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Dans la Bible, vous verrez à certains endroits que lorsque Israël allait en guerre, il n'avait même pas le temps de livrer bataille. Dieu lui-même descendait seulement dans le cas de l'ennemi, il créait de la confusion, les gens eux-mêmes s'entretuaient, ils se dispersaient. Et Israël entrait dans leur territoire, ou dans leur ville, dans leur quand un homme honore Dieu, quand un homme obéit à Dieu, quand un homme marche dans les voies de Dieu, rien ne peut lui arriver. C'est vrai, frère. Pourquoi? Parce qu'il a Dieu comme le bouclier de sa vie. Dada, mon frère, Dukuyang, quand un homme mutu, se casse derrière la parole, derrière la vérité, la mungu, derrière Dieu, frère, il n'a pas de crainte en lui. Ndani yake. Qui peut vaincre Dieu? Nani ula nawezi kumushinda mungu? Qui peut vaincre Dieu? Nani ula nawezi kumushinda mungu? Même tous les démons de l'enfer s'élèvent contre vous, associés avec Lucifer, leur chérubin protecteur. Ils ne peuvent rien vous faire. Nous craignons, nous avons peur souvent de tout ce qui nous arrive, parce que nous n'avons pas Dieu. Celui qui a Dieu n'a peur de rien. Il ne craindra ni les terreurs des gens. Il ne peut craindre ni des maladies. Il ne peut pas craindre les malheurs. Parce que lui-même est sous la protection du Tout-Puissant. C'est pourquoi nous devons faire confiance au Seigneur. C'est vrai, frère. Si vous confiez dans l'église, vous serez déçu. Si tu confies dans ta famille, tu seras déçu. Si tu confies dans ton argent, tu seras déçu. Si tu confies dans tes études, tu seras déçu. Si tu confies dans ton travail, tu seras déçu. Qu'est-ce qui te confie dans ta femme, dans ton mari? Il n'y a rien qui peut t'accorder la protection sur cette terre. C'est vrai, frère. Un seul homme qui nous accorde la protection sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et lui nous a promis d'être avec nous. Et je ne vous laisserai pas C'est pour la vie. C'est pour la paix. C'est pour le bonheur. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Si j'avais le temps d'en parler, mais je dis notre temps est très limité. C'est vrai, frère. Quand un homme, retenez cette pensée, peut-être au courant de la semaine, j'aurai le temps de l'exploiter davantage. Kadiri ya juma taisema kwa upana. Quand un homme wakati mutu s'attache à Dieu akiambatana na Mungu, il prend la ferme résolution dans son cœur anachukua mipango ya nguvu moyo wake de marcher dans la voie du Seigneur dans toute obéissance katika utifu wote et dans la crainte totale de Dieu na muboka, bo dans la foi parfaite muimani kamilifu frère Tuku. Sœur, Dada, Dieu sera son bouclier. Mungu atakuwa ngabo yake. C'est vrai. Ndibia kweri. C'est vrai, ma sœur. Ndibia kweri, tata yangu. Mais si vous voyez ici, alakini kama munaona hapa, Dieu commence à se souvenir Mungu anaanza kukumbuka de l'amour d'Israël. Mapendo ya Israeli. C'est-à-dire, Israël n'était plus dans cette affection-là. Manake Israël ashukwe tena mwile mapendo. Voyez, Munawa. C'est du passé. Ni ya zamani, ni ilipita. Je me souviens. Mina kumbuka. Bien aimé frère. Mapendo banduku. Pour ce qui est d'Israël. Kwa yenye kuelekea Israeli. Tout homme, mutu wote, toute famille, jama yote, tout peuple, taifa yote, toute nation, inchi yote, toute tribu, kabila yote, qui s'oppose à Israël, il est na kombanisha Israeli, va s'écrouler. Itanguka. Amen. Écoutez-moi. Munisikie. Chaque pays kila inchi, qui s'opposera à Israël, il est amukombanisha Israeli, s'écroulera. Itanguka. C'est vrai, frère. Mbiakweri nduku. Et chaque pays na kila inchi, qui s'allie inajunga, avec les Arabes, inajipanga kungambo ya Baarabu, avec les ennemis d'Israël, na baadui ya Israeli, pour combattre Israël, ya kukombanisha Israeli, se crurera. Itanguka. Que ce soit un pays ou une nation, wala taifa, elle tombera. Itanguka akika. Même le malheur que nous avons ici au Congo, c'est une partie de notre soutien aux Arabes. Les Arabes n'ont jamais été nos frères. Quand les Arabes étaient en conflit avec Israël, Mobutu se lève, il dit, entre un frère et un ami, les choses sont claires, les Arabes ne sont pas nos frères. Les Arabes ne sont jamais nos frères. Israël est notre frère. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, même si Israël tuait 1 million de Palestiniens, à part Kusemé Amokin, tu ne dis rien contre Israël. Israël contre les Palestiniens aura toujours raison. Il n'y a pas de chérie à Israël. C'est lui qui bénit Israël, il sera béni. C'est lui qui le maudit, il sera maudit. Même si vous ne comprenez pas ce qu'Israël a fait, soyez toujours du côté d'Israël, parce que c'est le côté où il y a Dieu. Même son retour dans la Palestine, c'est la volonté parfaite de Dieu. Dieu a promis dans Jérémie, je vous plante et vous ne serez plus jamais déraciné. Aujourd'hui, il n'y a aucune nation au monde, malgré les menaces contre Israël, qui va effacer Israël de la carte. Ça n'existe pas. Israël est là, Dieu l'a planté, et c'est lui qui va effacer les autres de la carte pour récupérer les territoires que Dieu lui avait donnés. Il y a des territoires que Dieu a donné à Israël qui doivent être récupérés, dans lesquels se trouvent encore les Palestiniens. C'est vrai, frère. Mais une chose qui nous étonne, il y a des dénominations chrétiennes qui condamnent Israël parce qu'ils ne connaissent pas les promesses de Dieu. Ils ne connaissent pas les promesses de Dieu pour Israël. Israël marche Israël dans la prophétie, dans la voie que Dieu lui a tracée. Et tout peuple, tout pays qui s'éteindra devant lui, il sera écrasé. Non pas par le peuple Israël, mais par les dieux d'Israël. C'est vrai. Quand nous marchons avec Dieu, l'ennemi ne peut rien nous faire. Et nous écraserons chaque démon sous nos pieds. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est vrai, frère. C'est pourquoi ayez Dieu en vous. C'est vrai, frère. Bien quoi, Ndou. C'est vrai, ma soeur. Bien quoi, Dada. Dieu nous connaît. Mungu anatujua. Il connaît nos problèmes. Anajua mambo zetu, mahitaji zetu. Et il connaît nos ennemis. Anajua baadui yetu. Mais nous devons marcher. Sisi tunapashi kutembea. Dans ses voies. Munjia ya Mungu. Avec fidélité. Na uaminifu. Avec amour. Na mapendo. Voyez. Munao. Avec obéissance. Na utifu. Avec crainte. Na boka. Si nous respectons seulement Dieu. Nous respectons seulement sa parole. Il prendra notre défense en toutes choses. Et nous n'aurons pas de crainte. Atutakuwa na boka. C'est vrai, frère. Bya kweli ntuku. Israël était consacré à Dieu. Israël a comme moyen de tolérer quoi Mungu. C'est pourquoi l'Écriture dit. Je commande à dire qu'il était les prémices de son revenu. Hier quoi ni malimbuko ya mapenda. Tous ceux qui ont mangé se rendaient coupables. Barukwana jukumu. Et le malheur fondé sur eux dit l'Éternel. Naole ilikuwa na bangukia hivi wa milele anasema. Toute nation. Taifa yote. Qui s'opposait à Israël. Il est quoi na kombanisha Israël. Devait être anéanti. Bari pashi kuiteketeza kuiponda. C'est vrai, frère. Bia kweli nduku. C'est vraiment ça. Bia kweli dada. Mais écoutez-moi. Alakini munisikie. Souvent l'amour. Kila mara mapendo. Que les gens manifestent pendant la paix. Ile bantu beko naonesha mu wakati ya salama. C'est un faux amour. Inekalaka ni mapendo ya bongo. L'église est avec moi. Kanisa ndani fata. Souvent l'amour. Kila mara mapendo. Que les gens témoignent pour les autres pendant la paix. Ile bantu beko na shuhudia kwa watu wengine wakati ya salama. Est un faux amour. Inekalaka ni mapendo ya bongo. Si vous voulez voir. Kama mnapenda muone. Une véritable affection mapendo ya kweli d'un homme envers quelqu'un d'autre, ya mutu mbele ya mutu mwingine, observez-les mwangalishishe pendant les difficultés. Wakati atakuwa katika magumu. Lorsqu'il y a opposition, wakati kuna kwa upinzani, c'est là où le véritable amour njo pale mapendo ya kweli inaonekanaka. Un frère, wakati nduku moja, une sœur, wala dada moja, est en paix avec vous. Eko musalama na weye. Il ne t'a jamais offensé. Ashia kukoseaka. Vous n'avez jamais été en conflit avec lui. Wewe alokuyaka makokotana naye. Cet amour-là, ile mapendo ile, c'est toujours un amour faux. Ni mapendo ya bongo. Ce n'est pas encore le véritable. Aiya kwa mapendo ya kweli. Le véritable amour, mapendo ya kweli, se révèle lorsque quelqu'un est en faute. Iku naonekane ni wakati mtu anakosa. Le véritable amour, mapendo ya kweli, se révèle lorsque quelqu'un vous offense. Iku naonekane wakati mtu anakukosea. C'est vrai, frère. Ya kweli ndu. C'est lorsque vous êtes dans une période difficile avec quelqu'un. Wakati ni mungu magumu na mtu. Vous êtes en difficulté avec votre mari, avec votre femme, magumu, avec votre voisin, yako, avec votre frère, yako, avec votre soeur. Na jirani na nduku wala nadana. C'est à ce moment-là que le véritable amour ni mwile wakati mapendo ya kweli itaonekana. On a toujours vu des gens. Tunaonaka kila mara watu. Pendant qu'il n'y a pas de problème entre eux. Wakati ila pana mambo katikati yabo. Ah, c'est son ami chéri. Oh, ni mupendo wake rafiki. Mais quand un problème arrive. Wakati mambo kifika. Il commence à se taxer de démon. Bananza kuitana sema ku demona. Quand deux hommes, un homme et une femme, sont en paix, chérie, c'est mon cœur. Tu es la rose de mon cœur, la rose. C'est toi qui éclaires mon cœur. Un amour hypocrite. Mais dès que le problème commence, les difficultés commencent, la rose est partie, le soleil se change en ténèbres, vous écoutez un homme qui dit, j'ai brisé un démon. D'autres disent, tu es un démon, tu es un démon. Frère, c'est pendant les difficultés que notre affection doit se révéler. Et notre affection dans les difficultés se révèle par le pardon. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Mais quand les gens sont en paix, ils font semblant de s'aimer. Quand quelqu'un est en paix, il semble aimer Dieu. C'est ça la fausse chrétienté. Quel est le nouveau christianisme nous a amené. C'est ce qu'on apporte dans toutes les dénominations. Les gens disent aux autres, si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous aurez beaucoup d'argent. Tu étais pauvre. Tu auras un bon boulot. Tu auras des voitures. Tes affaires marcheront. C'est faux tout ce qu'on dit là. Il y a bon. C'est très faux. L'évangile n'est pas prêché pour garantir aux gens la sécurité matérielle. Non. C'est très faux. Si tu crois au Seigneur Jésus, Dieu va te donner un puits de cobalt de 45 ténèbres. Via Bongo. C'est très faux. La parole de Dieu est apportée pour le salut de l'âme. C'est la chose qui nous préoccupe. C'est la mission de la parole. C'est pourquoi Jésus disait, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Les choses du monde ici, c'est un complément. On ne doit pas mettre les choses matérielles avant. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont bénis, Dieu est avec eux parce qu'ils ont du matériel. Il a le repas, il a trois repas par jour, il s'habille bien, ses enfants étudient bien, il a l'argent pour aller à l'hôpital, il marche dans un véhicule. Voyez. Ça, ce n'est pas ça le salut. Aïna njo okofu ile apana. C'est faux. Ni bia bongo bile. C'est une fausse pensée qui est dans les chrétiens d'aujourd'hui. Ni mawazo ya bongo ekundani ya bakristo leo. La foi qui est basée sur les ans matériels est démoniaque, la foi. Imani yenye kuyengwa yulu ya kuwa na bitu mukimwili ni ya bongo. La foi qui est basée sur la santé. Imani yenye kuyengwa yule afya njema. Afya njema mumwili. Et une foi démoniaque. Ni imani ya mademona. Un chrétien est chrétien seulement lorsque ses affaires prospèrent. Un chrétien est chrétien seulement lorsqu'il a du travail. Un chrétien est chrétien parce que ses champs, il fait de bonnes récoltes. Cela est faux. C'est pourquoi vous voyez, quand une difficulté arrive dans la vie des chrétiens d'aujourd'hui, leur première tendance, c'est d'abandonner la parole et d'aller vers le devin. Comme Satan est érigé. Maintenant, on a le devin partout dans les dénominations. Quelqu'un qui peut te dire, Je vois cette souffrance ici. C'est ton oncle. C'est ta tante. C'est ton père. C'est ta mère. Des fausses prophéties comme ça. Et les gens aiment beaucoup cela. Les gens apprécient cela. Dans la vie d'un chrétien, la souffrance est toujours la volonté de Dieu. C'est dans la souffrance qu'un véritable chrétien fait une bonne expérience avec le Seigneur. La souffrance fortifie notre foi et notre confiance en Dieu. Frère, un enfant a tellement confiance dans son père, anatumainiaka sana baba yake, c'est lorsqu'il est menacé. Wakati ile wanamkombanisha. Amen. Chaque fils, kila mtoto, chaque fille, kila binti, lorsqu'il est menacé, wakati wanamkombanisha, il se sent en danger. Anajua na kwa katika hatari. C'est l'occasion où il se tiendra derrière son père. Il atakimbilia kumkomba baba yake juu. C'est parce qu'il sait que mon papa est plus fort que tous les papas de Kambo. Ushindia ba papa bote ba mkambo. Si un enfant naturel peut faire confiance à son papa qui n'a rien, qui n'est pas fort, qu'on peut écraser comme un ver, quel serait-il d'un chrétien? Quel serait-il d'un fils de Dieu? Nous n'avons pas des hommes comme père. Nous avons les tout-puissants comme notre père. Le tout-puissant, Mwenyezi, c'est-à-dire, manake, il n'y a rien d'impossible. Hakuna kiasipo kuwezekana. Il n'y a rien d'impossible à lui. Hakuna kiasipo kuwezekana lui, notre père, yake, baba yetu. Même là où il n'y a rien, Adamula, il crée avec sa parole. Umba, il est le créateur du bonheur. Il est le créateur de la paix. Il est le créateur de la sécurité. Quand il parle, une seule parole, c'est pour amener la paix. Il une seule parole de sa part calme la tempête. Même si Satan, t'avait déjà envahi, tu étais déjà troublé. Mais quand Dieu prononce une seule parole, Satan s'enfuit. Nous avons besoin de lui. Mais regardez quand vous avez chez vous l'enfant du voisin. Quand il se sent en danger, il ne viendra pas chez vous. Derrière vous, il va aller chez eux. Attendez quoi bon bio? Parce que c'est chez eux où il se sent en sécurité. Jo ni quoi bon jo kula na jo no kwa katika ukingo. Ba pagano, les païens. Ba mukanisa. De l'église. Il se sent en sécurité, Mukingo. Dans les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Les païens de l'église mettent leur confiance dans des choses contraires à la parole de Dieu. Quand lui il est malade, au lieu d'aller chercher Dieu, vous voyez, pour sa guérison, il va chez les devins. C'est ça l'homme. C'est un insensé. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. Beaucoup de faux chrétiens. Si il était dans une société, ou quand il était pauvre, quand il est pauvre, quand quelqu'un n'a rien, il est pauvre, misérable. Là, il s'appuie sur Dieu. Là, il cherche la bénédiction de Dieu. Vous verrez cet homme-là, il est soumis, il est obéissant à la parole. Il fait la volonté de la parole. Vous voyez, vous le verrez chaque jour à l'église. kanisa, il chante à la chorale, il visite les frères. Vous voyez, quand il y a un travail à l'église, il travaille. Quand il a un peu d'argent, il donne un peu sa petite dîme. Parce que ce n'est pas grave de payer 100 francs, 500 francs. Ce n'est pas grave. Pas 100 francs, 200 francs. Et vous voyez quelqu'un, quand il a prié, il est toujours premier. Il est assidu. Il est assidu au temple. Ça, ce n'est pas encore la foi. Ça, ce n'est pas encore le salut. Ce n'est pas encore la foi. Ce n'est pas encore la chrétienté. La foi qui se révèle pendant la paix. Ah, est une fausse foi. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Quand quelqu'un a des habits, il a des beaux vêtements, il a des souliers, il a mangé. Le matin, il mange. À 12h, il mange. Le soir, il mange. Là, c'est un chrétien. Quand il a le temps de lever ses mains, Seigneur, merci pour la nourriture. Là, c'est un chrétien. Quand il a l'argent de dépenser, vous voyez, il a l'argent pour dépenser. Là, il est chrétien. Vous voyez, il a les mains en poche. Il dit, nous sommes des enfants de Dieu. Vous voyez bien les fils d'Abraham. Les fils d'Abraham se révèlent dans les épreuves. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Pour Christ, la chrétienté, salam, du temps de paix, lorsque quelqu'un a l'argent, c'est une fausse chrétienté. Oui, bien, mes frères. Non, non, la chrétienté, Christ, dans la prospérité, oura, dans l'aisance, est une fausse chrétienté. Christ, on a vu des gens, dès que malheur le frappe, kimpika, il abandonne le Seigneur. Anacha buana. Quelle malédiction. Lana kanile. Quelle malédiction. Lana kanile. Ce sont des choses que nous ne devons pas faire. Ni bitu bile sisi atupashi kufanya. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Dieu nduku na dada mpeni. Dieu se souvient de cette affection. Mungu anakumbuka mapendo ya Israeli. Il dit quand tu étais jeune. Ya kwamba wakati ulikuwa kijana. Tu me suivais même dans les endroits incultes. Ulikuwa unanifuata fazi au kata. Quand je te demandais de prier, tu priais. Na kwa nakuomba kuomba. Quand je te disais de jeûner, tu jeûnais. Kuomba kufunga chakula, kwa nakuomba chakula. Tu avais affection vers moi. Ulikuwa na mapendo kwangu. Tu faisais ma volonté. Ulikuwa unafanya mapenzi yangu. C'est vrai. Bia kweli. Mes frères. Banduku. Très souvent. Kila mara. Lorsque un homme, wakati mutu, une famille, jama, un peuple, taifa fulani, une nation, inchi fulani, est béni matériellement, inabarikiwa mwili, prospère, inaendelea, est en paix, iko msalama, en bonne santé, mwafya njema, il finit toujours kila mara bayo naishia par abandonner Dieu, mukumwacha Mungu, pour servir Satan. Dieu a kumtumikia ya shetani. L'église est avec moi. Kanisa na fuata. Suivez-moi très bien. Munifate mzuri. Très souvent, kila mara, c'est lorsque un homme est béni, ni wakati mtu anabarikiwa, matériellement, mukimwili, physiquement, mukimwili mbisi, financièrement, mukifeza, il prospère, anaendelea na stawi, il est en bonne santé, yuko afya njema, il est en paix, yuko msalama. C'est pendant ce temps-là, ni mwile wakati ile, que l'homme finit toujours par abandonner Dieu, mukumwacha Mungu, ou servir Satan. Dieu a kumtumikia shetani. Kuko baserva mingi, ya beaucoup de ça. Avec du pain, c'est le Dieu à banane en France. Ne se maquille pas puisqu'ils n'ont pas d'argent. Ah bah oui, ma mèche, Dieu à banane en France. Ne mettez pas de mèche puisqu'ils n'ont pas d'argent. Pour eux, ils vont aller chez. Ce n'est pas que dans l'air qu'elles sont déjà délivrées, c'est faux. Boumachikini. C'est à cause de la pauvreté. Imani abu Christ abu Mashikini. La chrétienté, puisque tu es pauvre, c'est une fausse chrétienté. Wabongo, ça, une très fausse chrétienté. Je vais développer certaines pensées dans la semaine. Pour clouer certaines choses. Bu Christ abu Mashikini. La chrétienté tout en étant pauvre, c'est une fausse chrétienté. C'est vrai, frère. Biakwe Rinduku. Il y a des femmes et des hommes. Ils sont tellement mondains dans leur cœur. Ils apprécient toute la mondanité. Mais parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas d'occasion pour le faire. Alors, ils apparaissent comme si c'était des chrétiens. Des chrétiens. Et pourtant, c'est faux. Japo ni bia bongo. Il y a beaucoup de frères ici. Kuku banduku mingi apa. Ils ne se prostituent pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. Abafanye bundumba juu abana na feza. Si, pas comme Mukambovu. Seulement ici à Kambo. On a vu des frères. Turiona banduku. Bana mwangaje tu kuka boss mining hapa. On l'embauche seulement ici à la boss mining. Il commence seulement à toucher. Ananza ko tukupokea. $350. Kufola ko tu $350. Les frères maintenant commencent à découcher à Kiwewe. Frère Vananzo wenda kulala inje fashingine ukiwewe. Jola na ile. Voilà la malédiction. Il est jo kama jo boulogi, jo boulogi. C'est ça même la sorcellerie, si on parle de sorcellerie, c'est celle-là. Frère qui il coupait seulement les frère Arkwa na kata tout. Les fleurs ici. Les efforbes. Mais Dieu lui fait seulement une petite grâce. Mungu anamfanyisha tu neema kidogo. Si déjà avec 250. Kama tu na $250. $250. $400. Tu as déjà une porte ouverte on a pas aux prostituées de Kiwewe. Mulango waji kwako ya bantumba ba mkiwewe. Pale Mungu atakupatia $1000. Lorsque Dieu va te donner $1000. Tu t'as évolué, où t'as évolué? Comment tu vas alors évoluer? Ou t'apprendre à toi? Tu vas maintenant évoluer dans les mains. Vous voyez, c'est très grave ça. Mais Atari, frère, tout. Ils ne boivent pas parce qu'ils sont des pauvres. Maminga va kunyem pombe. Aba kunyem ju ni bebe maskini. Si l'argent tombait entre vos mains. Gama tu kipa ta feza. Là, vous aurez quand même une bière pour la digestion. Ça, c'est autant que vous avez pompé, tu as chuché bien courir. Vous avez chuché bien courir. Vous avez chuché bien courir. À part où qu'on a couru à Bukari, à Thompson, maintenant que tu manges les pommes, on fait des maniocs là. À part où tu as digéré. Pour digérer. Tu n'as pas besoin de prendre la bière pour digérer. Pas capable autant de courir. Mayaï, c'est seulement lorsque tu vas commencer à manger des œufs, boire du lait, vin, et un peu de vin, et de bière. Non, alors, tu vas manger des vins et des bières. C'est le mapayen. C'est là. Kitu kibaya, c'est qui est promo. Ramelingam soit interprété en français. Parce qu'il y a des faits qui nous suivent. Voyez. Koukobantu Bengine. Il y a certaines personnes. Bekobabi wele wele san. Qui sont tellement des stupides, des insensés. Quand Dieu t'ouvre une porte de bénédiction. C'est ça le moment favorable de le servir. C'est ça le moment favorable de s'attacher à lui pour que tu sois une rivière par où les bénédictions de l'éternel transitent pour les autres. Un chrétien est une rivière. Il reçoit de la part de l'éternel et ses frères aussi en bénéficient. Vous avez l'occasion de servir Dieu. C'est vrai. Quand vous servez son peuple, vous servez ses enfants, vous servez Dieu. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé, sœur. Mais quand quelqu'un devient prospère, il est béni matériellement, souvent l'homme abandonne Dieu et il veut se faire un nom. Na anapenda kwenda njina. Tu sais, savez-vous, à Kambovu, Mukambo, Kambovu Tabernacle, on ne peut pas citer des frères sans me citer. Awe sikutamu bantu kuba wili bila kuntaya. Si on vous cite, c'est ça le ciel. Eh, njom bingu ilo napata. C'est ça le Saint-Esprit. C'est plus que tu n'as pas honte. Même si on vous citait, tu me parlais de nouveau. Ah ouais, voilà, vous allez au Maroc, où il y a quoi, Rome, Takatifa, Ataba. Nous connaissons le gouverneur, nous connaissons le président de la République. Le gouverneur, le président de la République. Même si toi tu es connu. Ataba, moi, voilà, Kambo Tabernacle. Kambo Tabernacle. Qu'est-ce que tu vas gagner de la part du Seigneur? Utaone ya monini kwa upande wa Mungu. De l'orgueil. Quand quelqu'un devient prospère, il veut se faire un nom. Anapenda njina kebe iwe. Il veut même se faire adorer. Anapenda tabanze kumwabudu. Il veut dominer les autres. Anapenda tawale wengine. Frère, donc il oublie Dieu. Il oublie sa parole. Il oublie les voies de Dieu. Il oublie même la source de sa bénédiction. C'est pourquoi je vous dirai cela en semaine. Dieu a fait des remarques à Israël. Attention. Lorsque tu entreras dans le pays, tu mangeras, tu te rassasieras. Ne dis pas, c'est ma force. C'est par la force que j'ai acquis toutes ces richesses. Tu te souviendras de l'Éternel. Mais c'est ça que les gens oublient. La bénédiction matérielle n'est pas un signe de la bénédiction spirituelle. Sinon les homosexuels seraient bénis. Il y a plus de païens, de méchants riches, de biens matériels que de véritables chrétiens. Il y a très peu parmi les riches. Il y a seulement peu de chrétiens parmi les riches. Mais la majorité des véritables chrétiens sont des pauvres. Ils sont pauvres dans la chair, mais ils sont riches dans la foi. Ils sont pauvres dans la chair, dans les biens de ce monde, mais ils sont riches en Dieu. Voilà la véritable bénédiction. C'est vrai, frère. Mais le constat est amer. Le conseil est amer. Quand les frères et les sœurs deviennent riches, ils prospèrent, leurs activités prospèrent, ils sont en bonne santé, la plupart d'entre nous trouvent une occasion d'abandonner Dieu. Ils oublient même la source de la bénédiction. C'est ce qui est arrivé à Israël. Mais nous ne les faisons pas. Alakini sisi tusifanye vile. Kanisa inanifuata. Ne les faisons pas. Tusifanye vile. Frère, duku. Sœur, dada, les richesses mondaines. Mali ya mudunia. L'argent feza mondain. Ya mudunia. N'est pas seulement un piège. Aina tupaka muteko. Pour les riches, jia watajiri, c'est aussi un piège muteko, pour les pauvres. Wa masikini na bo. Mais ce qui est important pour un chrétien, c'est d'avoir une expérience véritable avec Dieu. Quand vous avez Dieu en vous, vous saurez gérer la pauvreté et vous saurez gérer la richesse. Mais sans Dieu, pendant la richesse, vous allez mordre la poussière. C'est vrai, frère. Sans Dieu, mungu, dans la pauvreté, maskini, tu vas mordre de la poussière. Mais avec Dieu, mungu, que vous soyez pauvre maskini, ou riche, mtajiri, vous resterez ancré dans la parole. Vous serez ancré imala, dans la foi. La c'est ce que Dieu veut. Oui, bien mes frères. Il est très. Pour les traits, ce qui est plus important, c'est avoir Christ. Oui, bien le frère. Si vous êtes les traits, ayez Christ en vous. Christ. Si vous êtes les traits, ayez Christ en vous. Christ à ce moment-là, vous ne tomberez pas. Si vous êtes les traits, sans Christ, frère, tu tomberas. Utanguka. Que Dieu nous vienne en aide. Mungu atusaidie. C'est vrai, frère. Que Dieu nous assiste. Mungu atusaidie. C'est pourquoi la première des choses kitu kia que nous devons faire dans kupa, notre marche avec le Seigneur, cherchons d'abord Dieu. Mungu. C'est vrai. Nibiakwe. Avec Dieu, na mungu, nous serons sécurisés de toutes parts. et nous n'avons pas de crainte. Atuta, et nous n'aurons même pas la crainte de la chute. Atuwezi kuongopa ta kuanguka. Frère. Nduk. La richesse mondaine, mali ya mdunia, la prospérité, mwendelea la bénédiction matérielle amène souvent mara, l'apostasie. Unaleta kuacha kwa imani. Voyez, souvent les gens abandonnent la foi mara batu wanacha imani pendant la prospérité. Wakati ile ya kustawi wala kumwina. Mwendelea. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. Quand il n'avait pas d'habits, là il était réfugié dans l'église. Quand il a les habits, il faut qu'il ait un endroit où exhiber ses habits. Vous voyez bien mes frères. Il y a des gens qui ont des démons terribles. Les jours qu'il s'habille proprement, c'est-à-dire il va sillonner toutes les avenues de Cambo. Ça sera sale bientôt là. Le jour qu'il va s'habiller, il va porter un bon soulier. Ce jour-là, on le verra partout là où il y a beaucoup de gens. C'est ça la folie. Un cœur sans Dieu est très malade. C'est pourquoi attention. Souvent nous avons toujours prié. Seigneur, bénis-moi. Quand Dieu ne bénit pas, wakati Mungu ashibariki, respectez ce que Dieu fait. On a vu des frères. N'importe moi dans l'église. Il a une bonne femme. Deux enfants corrects. Lui-même correct. Apprécié par tout le monde. Il est même présenté comme un modèle de l'église. Dès que ses affaires seulement commencent à prospérer, alors il commence deuxième bureau. Pasteur, est-ce que le mariage, est-ce que la polygamie est-elle un péché? Selon le message, selon la Bible. Mais une question à part quoi que na kinto, lorsque tu n'avais rien, tu ne posais pas de tel genre de questions. Non frère, parce que si quelqu'un a des moyens, il peut entretenir plusieurs femmes. Il n'a pas de problème. David et Salomon. David et Salomon. Lorsque tu mangeais, est-ce que le mariage et le divorce, tu ne les lisais pas? Toi, tu es ma jumeau. Abandonnons la folie. Cessons d'être fous. La prospérité matérielle. Mais Dieu nous réserve. Il nous réserve des bénédictions qui ne peuvent jamais nous égarer loin de sa présence. Oui, bien-aimés frères. Que Dieu nous aide. Comme on a peu de temps, je m'arrête. On va continuer en ce moment. Est-ce que l'Église a compris? Qui ont compris? Que Dieu vous bénisse. Comprendre signifie se recevoir ce que Dieu a dit et mettre cela en pratique et produire les fruits dignes de ce qu'on a entendu. Lève-nous pour la prière. Nikupende zaidi zaidi zaidi nikupende wow.